Cette route est en travaux. Aucune ligne de rive, aucune ligne axiale. Ce panneau de danger temporaire m'informe du risque de projection de gravillons. J'ai tout intérêt à laisser un intervalle de sécurité plus grand avec la voiture qui précède. La vitesse étant limitée à 50 km/h, il doit être au minimum d'une trentaine de mètres, qui correspondent à 2 secondes d'intervalle. Et plus je serai éloigné d'elle, moins je risquerai de recevoir des gravillons sur le pare-brise. Réponse B et D.